alibariki. Et qu'il exauce nos prières. Na apate kujibu kumaombi yetu. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Tunaweza kushimama ndio usome maneno. Nous prenons directement Apocalypse chapitre 13. Ufunuo 13. À partir du premier verset, on va lire. Prions le Seigneur. Notre Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous voici en ta présence maintenant pour écouter ta parole. L'église a été ouverte depuis 9 heures pour te présenter nos requêtes et nos supplications. Nous croyons de tous nos cœurs que nos prières sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et tu vas exaucer chaque prière. Pas selon nos mérites. Parce que nous ne méritons rien. Mais par les mérites de l'homme de Galilée. Lui qui a tout mérité. Parce qu'il a pris notre place. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Merci Père. Console chaque frère. Console chaque sœur. Bénis le conseil de l'église. Souviens-toi de notre berger. Et de notre ancien en particulier. Nous nous abandonnons à toi. Moi comme étant l'avorton de tous les appelés de Dieu, je viens devant toi m'abandonner entre tes mains. Utilise-moi Seigneur, parle par ma bouche et glorifie ton nom. Édifie nos âmes, amène ton église à l'achèvement au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Kisha nikaona toka bari mnyama moya katoka na masengo 7. 10 cornes. Mapembe 7. 10 et 7 têtes. Na bicha 7. Et sur ces cornes, na pale mapembe yake 10 diadèmes. Kurikuya ma mataji. Mataji 10. Et sur ces têtes, na pakisho yake des noms de blasphème. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et Doubou. Ah. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom. Et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Pourquoi nous avons fait cette lecture? Ce n'est pas pour enseigner sur les royaumes des nations. Sur les royaumes. Non. Mais nous étions obligés de lire ça. Pour vous faire voir. Que l'homme derrière lequel le diable vient. Pour nous évincer. Pour nous persécuter. Cet homme-là, c'est celui-là qui est à la tête de cette bête dont on vient de faire la lecture. C'est qui cette bête? C'est la dernière puissance mondiale. Le dernier royaume qui règne sur la terre avant que toi et moi nous venions régner pendant 1000 ans avec notre Seigneur. C'est le dernier royaume qui est l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est clairement connu. C'est l'Union européenne. Ok, l'Union des pays de l'Europe. Cette union-là, c'est ça la dernière puissance mondiale. Qui domine sur la terre. Et c'est lui qui a la tête de ça. C'est l'homme de Rome. L'impie. Le méchant. C'est lui qui a la tête de cet homme. Et la Bible dit. Le diable. Lui a donné sa puissance. Le diable lui a donné son trône. Et le diable lui a donné une grande autorité. Ce monsieur-là, il habite chez lui. Et c'est chez lui-là où aujourd'hui il y a le trône de Satan sur la terre. Dans les âges passés, le trône de Satan était à Pergame. Confirmons cela, lisez avec moi Apocalypse chapitre 2. Le verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est la lettre écrite à l'église de Pergame. Au courant des âges, le palais royal, oui. Parce que c'est lui le prince de ce monde. Amen. Son trône était à Pergame. Mais aujourd'hui, son trône est à Vatican. C'est le pape de Rome. Et il a donné au pape de Rome son trône, sa puissance et une grande autorité. Voilà la première bête que j'avais vue montant des peuples, des langues et des tribus, des nations. Mais il y a maintenant une deuxième bête que nous devons considérer. On l'a décrit dans le même chapitre 13 à partir du verset 11. Lisons encore. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ces deux bêtes sont là ensemble. Celle-ci, elle domine le monde entier. Et la deuxième est inférieure à lui. Et elle faisait que la terre dunia, et ses habitants na bakaji baki, adoraient la première bête. Balianza kumwabudu ule nyama wa kwanza. Frère, faites attention. Nous sommes déjà dans la tentation en question. Mukebe ange tukumwile jaribu yenyewe. C'est ça la tentation. Jo yenye jaribu. Qui va frapper le monde entier. Ile itapiga ulimwengu mzima. Qui va toucher tous les habitants ile de la terre. Itagusa bakaji bote pa dunia. Tout le monde sera obligé d'adorer cette bête. Bote atalazimisha kuabudu ule nyama. Et d'adorer le dernier dominateur du na, monde entier. Kuabudu ule kutawala mwisho wa dunia mzima. L'homme qui est considéré par tous. Ule mutu anaheshimia watu wote anaheshimia. Toutes les religions s'inclinent. Madini yote kuna inama mbele yake. Le monde entier doit l'adorer. Ulimwengu mzima inapasha kumwabudu. C'est ce que le diable peut faire. Dieu le shetani anatakafanya. Et cela na ile dans le but mukishaba de faire tomber l'église du Seigneur. Ya kuangusha kanisa ya Bwana. La deuxième bête. Unyama wapili fait que inafanya la terre dunia et ses habitants na bakaji bote adore la première bête. Bapate kuabudu le chapu nyongo dont la blessure mortelle avait été guérie. Ule kigronda yake kilitunziwa. Je vais au verset 14. Mais non, mustare ya 14. Et elle séduisait les habitants de la terre. Na alitongoza bakaji bote pa dunia. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ile miujiza alianza kufanya mwepu ya ule nyama. Disant aux habitants de la terre. Mukwambia kuwakaja pa dunia. De faire une image à la bête. Bapate kufanya ko picha ya nyama. Qui avait la blessure. Ile ilikuwa na kidonda. De l'épée. Ya kipanga. Et qui vivait. Na alianza kuishi. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Apate kufanya ile picha ya nyama. D'animer, kuipatia uzima. Afin que kusudi, l'image de la bête parla. Ile picha ya nyama ipate kusema. Et qu'elle fit que na ifanya kwamba tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Bale bote akwanza kuabudu ile picha ya nyama. Fish tué. Bapate kubaua. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque. Bila kuya na ile picha le nom de la bête na jina ule nyama ou le nombre de son nom wala wingi ya majina yake. C'est ici la chaise, la sagesse na ndio hapa hekima que celui qui a de l'intelligence kwamba ule mwenye kuwa na akili calcule le nombre de la bête apate kuhesabu mwingi ya ule nyama. Namba ya ule namba ule nyama, car c'est un nombre d'homme kwani namba ya mutu. Et son nombre est 666. On va y arriver. Cette deuxième bête, selon la révélation de la prophétique que nous avons reçu dans ce message, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est ça la puissance qui monte de la terre. Et elle a l'air d'un agneau. Parce qu'au départ, elle était d'obédience protestante. Comme ça. Mais lorsqu'elle parle, elle parle comme un dragon. Et le dragon représente qui? Il représente Satan. C'est ce que la Bible dit. Le Bible le diable. Shetani. Il est représenté par le dragon. Et cette nation-là, il est taïfa, elle a l'air religieuse. Mais lorsqu'elle agit, elle parle. C'est comme Satan. C'est cette deuxième bête qui forme l'image de la bête. Elle forme une image à la bête qui est la puissance. Le frère Banam dit, la bête, c'est une union des pays. Ilikuwa ni muungano ya mataifa maichi. L'Europe unie. Europe ile akungana. Son image. Na picha yake. Doit aussi être une union. Inapaswa kuwa na tena muungano. Parce que l'image ressemble toujours à l'objet. Picha inaonekana inawafuanisha paka na kitu. La bête, c'est une union des pays. Où les nyama ni mungano mataifa. Son image. La picha yake. Que cette deuxième bête a fabriqué. Il nyama wa pire fanya. Qui existe déjà. Ikwako. C'est l'union mondiale des églises. Ni mungano ya dunia mujima ya makanisa. Qui a déjà entendu parler de ça. Nanya nesha shikia kusema jua ile. Que Dieu vous bénisse. Mungwa mbariki jua ile. L'union mondiale des églises. Toutes les églises du monde sont appelées par cette puissance à s'unir. Chacun avec sa doctrine. Mais à s'unir dans une union. Cette chose est déjà faite. Cette image existait déjà. C'est nous. Avec le vrai message. Qui ne sommes pas encore entrés dans cette histoire. Laissez-moi vous dire que toutes les églises protestantes sont déjà tombées dans le piège. Ils sont dedans. Il reste les églises de réveil que vous voyez. C'est ça qui reste. Mais bientôt, elles vont tout suivre. Même les témoins de Jéhovah vont entrer. Il n'y a que l'église de Jésus-Christ qui restera en dehors. Non seulement que cette puissance va faire une image à la première bête. Anakusema iuwezo tafanya picha ule nyama kwanza. Mais c'est cette puissance. Na ile ni uwezo. Qui fera un jour. Je tafanya siku moja. Que cette image parle. Ile picha ipate kusema. C'est pourquoi l'écriture dit. Je commande andiko nasema. Il lui fut donné. Barimu imupewa. D'animer l'image de la bête. Apate kuweka buzima mu ile picha nyama. Afin que l'image de la bête parle. Ile picha ya nyama ipate kusema. Aujourd'hui, ils sont encore calmes. Leo Bengariki Kimia. Cette image n'a pas encore parlé. Il est picha ayasema. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes là. Joko amana tu kwapa. Cette image. Il est picha. Qui est muette aujourd'hui. Leo aiseme. Qui nous laisse encore tranquille. Une toitia ko uru kidoko Leo. Umashu kidoko. Elle a une parole de poids. Iko na msemo ya uwezo. À prononcer. Ya kusema. On ne lui a pas encore donné la vie pour parler. Mpatia, ile buzima njo ayekusema. Mais les choses bitu, commencent déjà à se ranger bikuna jipanga, de manière à ce que cette image ait le droit de parler. Ya kusema, ile picha ikuwe sana rusa ayekusema. C'est lui qui est à la tête ule manye kwa kukichwa, de cette union des églises là. Ya ile mungano ya makanisa, fabriqué par les États-Unis. Ile Amerika ritunga. Ne soyez pas surpris. Mushishutushwe. C'est le pape de Rome. Ni pape ule wa Roma. C'est celui-là qui est à la tête de cette ule image. Eko kukichwa, ya ile picha. C'est pour lui qu'on a formé l'image. Ninju yake njo baritunga ile picha. Elfo manam dit c'est lui qui Nanduk est à la tête. Manam asema ni yeye njo kukichwa ile mungano. J'aimerais lire le temps et le signe de l'union. Nuna penda kusoma mahubiri wakati na maalama ya mungano. C'était en 63 que le frère Branham a prêché ça. Ni mu 1963 ndugu Branham alihubiri. Suivez-moi très bien frère. Munifuate mzuri wa ndugu. Paragraphe 70. Nukta yake ya 74. 74. Maintenant. Sasa. Chaque église a sa propre politique. Kila misa inakuya na politiki yayo. L'église de Christ à la sienne. Kanisa ya Kristo na yayo. L'église chrétienne à la sienne. Kanisa ya Kristo kuna yayo. De même que les baptistes. Na wabatista bobe na namna yabo. Et les méthodistes. Amishoni nabo. Et les presbytériens. Ba presbytériens nabo. Ils ont chacune sa politique. Kila mtu na namna yake ya kutenda. Avant. Mbele. Ils échappaient à cela. Baranza ku kepuka kuile. Parce qu'ils étaient séparés. Sababu alikuwa benye kuachana. Voyez, ils n'auraient pas pu le faire auparavant. Kumwanzo akuwezake kufanya vile. Ils doivent le faire maintenant. Sasa hapa sasa wanapaswa kufanya vile. Voyez-vous? Unaona? Ceci est le temps de l'union. Hii ni wakati ya muungano. Et maintenant, ils mettent cela ensemble. Na sababu kunaweka bote pamoja. Ils s'unissent. Biko naungana. Pour voir ce que cela produira. Juu ya kuona ile tatoa. Et le frère Branham ironise un peu ici. Andugu Branham anasema hapa. Ironiser, c'est-à-dire dire quelque chose comme pour se moquer. Kusema kitu kimoya juste à kucheka. Asema ile mkusanyiko ya ba presbyterien. Leur union des presbytériens, les kimbangistes, tous ces membres. Leur union n'est pas différent. Na mtu kama anafia kufanya mkate. Un homme lorsqu'il veut fabriquer un pain. Anaenda la beba nyama ya cheval. Il prend la viande de cheval. Anaenda mu poubelle la beba. Il prend au poubelle, il prend n'importe quel sachet. Anabeba kimatunguru bya koza. Il prend les oignons. Anachanga kama na bitu. Il mélange, je n'étais pas avec toi. Il dit c'est sec. Ça ressemble à ça. Je saute ça parce que c'est ce qu'il dit. Vous voyez ce que vous aurez comme résultat. Lundi, les jours des miracles sont passés. L'autre dit peut-être ça existe. Et on met tout cela ensemble. La Bible dit comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? C'est-à-dire quoi? Quand les pentecôtistes iront là, les témoins vont là-bas, les églises réveillées vont là-bas, les kimbangistes vont là-bas. Qui a déjà entendu un kimbangiste prier? Nani asha kushikeka wa kimbango kona omba? Il n'y a personne qui a un frère qui est de cette histoire. Hakuna mtu kona ndugu wake wa mkimbango? Utajiulize sema hii. Tu vas te poser la question, ça c'est la prière ou quoi? Un kimbangiste quand il prie. Wa mukimbango kama na omba. Ambia mukintu. Tu ne saisiras rien du tout. C'est comme de la magie. Ils sont magendés. Ils appellent kimbango Père Esprit Saint. Bena muita kimbango c'est Baba Roho Mtakatifu. Et ces trois enfants là-bas, il y a Kandenda qui sont loqués na ule mwingine. Kandenda na ba trois personnes en leur Dieu kimbango leur papa. Mwa Mungu ule kimbango baba yabo. Ils viennent, ils entrent là. Na manakuwa na bo wanaingia mule. Tout le monde vient avec sa doctrine. Kila mtu anakuwa na mafundisho yake. Mais posez-vous la question. Sasa mutejiulize. Qu'est-ce qu'ils auront en commun? Sasa ni nini itabaweka kikwesa bakomu kitu kimoya? Parce que pour s'unir, mais il faut avoir quelque chose en commun. Inafazani mkuwa na kitu kimoya kia pamoya. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Batu bawili abezu tembea pamoya. Si ne s'accordent pas. Kama akumwanzo bakupatani. Kama una rafiki ndumba. Si tu as un ami prostitué. Un front, c'est celui que tu aimes. Mais quelque part, regarde-toi bien. Fasi moya uliangarishishe. Il y a quelque chose en lui qui te plaît. Kuwa kitu kimoya ndani yako kiko na kufurahisha. Il y a une chose qui va les unir. C'est cette chose que nous, par les yeux d'aigle, nous avons déjà vu. Dieu a envoyé un prophète avec les yeux d'aigle. Et il s'adresse aux aiglons que nous sommes. Et le frère Manam dit, pour parler au paragraphe 77, il dit. Voyez-vous maintenant. Sas. Voilà le genre d'unité qu'ils sont. Aina ya mungano lebe kunayo. Et na. Allez mettre à la tête de tout cela. Na Nakwenda kuweka kukichwa ile yote. Kule mungano yabo. Il mettre comme tête. Maneka soa kichwa. Un pape de Rome. Pape wa Kuroma. Un grand saint père. Mutakatifu baba wa juu. Mutakatifu sana. Et vous y obtenez quoi? Na kumwisho yote mtapata ni nini? L'image de la bête. Picha ya nyama. C'est lui qui a la tête de l'Union mondiale des églises. Ya ile muungano wa mataifa. Fabriqué par les États-Unis. Ile Amerika litunga. Ce n'est pas un Américain qui a Aina, la tête. Mu Amerika ko kichwa. No. Apana. C'est le pape lui-même. Mais ni pape yeye mwenyewe. Qui a la tête. Ndio mwenye ko kichwa. Le pape c'est qui? Pape nani? C'est lui à qui le diable a donné son trône. Ni ule shetani aliachia hichi yake aende. C'est celui à qui le diable a donné sa puissance. Ule shetani alipatia uwezo yake. Il n'y a pas d'homme craint sur la terre comme cet homme. Hakuna mtu ambaye anaogopa pa dunia sa ule mtu. Ça n'existe pas. Anako. Il n'y a pas d'invocateur de Lucifer plus que le pape. Hakuna mtu akuita shetani kushindia ule pape. Anako. Laissez-moi vous dire. Il a une salle chez lui là. Kwa chekule ku chumba moya. Quand il entre là. Wakati anaingia mule. Il se met sur son trône. Anekala pa kiti yake. Tous les papes tous les papes morts apparaissent dans les cieux. Bana onekana. Je sais ce que j'ai dit. Je suis devant le ciel. Je suis à la chair. Je ne raconte pas n'importe quoi. Mais je sais ma ce sont les plus grands invocateurs de mort. Je vous dis frère, il y a des choses que moi j'ai des expérimentées dans ma famille que je ne sais pas raconter ici. Moi que vous voyez, j'ai porté la soutane au collège. Parce que je pensais que pour être serviteur de Dieu, il fallait être prêtre catholique. Parce que le ministère m'a rongé depuis mon enfance. Je ne savais pas que c'était ça. Et dans ma tête, pour être serviteur de Dieu, il fallait être prêtre. Quand le prêtre n'était pas là, à qu'enseigne au collège, il venait la nuit au dortoir et me dit, monsieur Koulou, demain je ne serai pas là. Dortoir, anzako kunyambia semi shitakuya ko monsieur Koulou. Tu connais la date, tu as le missel. Unayabia kusema, unayo date. Je vais, je prends ma soutane. J'ai lu la messe. Na soma période et à boulot, j'y ai. J'enlève seulement leur période là de la sorcellerie. Parce que la messe c'est quoi? Le mot messe, messe veut dire. C'est mon missa. L'invocation des morts. C'est quand nous venons ici. Ne dites pas que tu n'es pas comme missa. C'est ma sœur, nous allons à la messe. Vous commettez une grande erreur. Ninkosa mukubwa. Ici ce n'est pas la messe. Apa aina missa. Tu dis ici, il y a les eaux de mort ici. Vous dites que je pars à la messe. À la messe, c'est là où, à la chair, on a déjà enterré les eaux. C'est monsieur qui arrive, qui va baiser là-bas, c'est parce qu'il y a les eaux d'un défunt. Si tu veux nier, tu as ton frère prêtre. On n'est pas là, c'est pour voir la caleca. Va nous voir lorsqu'il a déjà porté l'écharpe. Il y a une croix derrière. Quand vous touchez à cette croix, il y a deux os, mifu pambi, en forme de croix. Il est chafanya musalaba. Là derrière, il est mifu pambi moya se kubeba. Ces deux os là qu'il a déjà porté, c'est le même os qu'on a déjà mis en dessous de la chaise. Là où il a baisé nous pour dire la messe. Pour que batoto ya Mungu baone clair. Mais c'est ma pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Sans cela, bila il ne peut pas lire la messe. Awezi kusoma misa. Umuite tu kwa kunyumba sema. Appelle lui c'est machi toi la maison. Tu vas quoi consommer, il est mis à kunyumba. Il va d'abord entrer dans le sacristie. Atenga même sacristie. Mais le vois bien ça. Je connais, je maîtrise ces choses. En aval une il porte ce non, il baise d'abord ça. Mais là des gousses kwanza. Il va fanya comme kanisa. Il le fait dans l'église. Il a baisé quand le kanisa. Baiser d'abord la croix et puis il porte. Ravissez lui ça. Umunyanganya yoto. Impossible de faire la messe. Ah, Asta Fanya, Asta Soma Missa. Ravissez lui, c'est masse là, il va pas lire la messe. Oh, paroisse Sainte-Marie. Paroisse Sainte-Barbe. Paroisse Sainte-Barbe. Ah, il Marie, Barbe, ils ne sont pas de la Bible. Ce sont les propriétaires de zoo qui se retrouvent sous la table. Chaque paroisse. Qui l'a le cas. Si mettez Iko, ni Kaburi, Yamut Moya. Et chaque cathédrale, la cathédrale, c'est un cimetière à deux tombes. Ni kaburi ya mabatu wa wili. Là, l'une à l'intérieur, inje, l'autre à l'extérieur. Inje. Ni balonji, ce sont des sorciers, ces gens-là. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Amuna. Et le plus grand invocateur, c'est le pape de nous. Le pape, moi, comme Kubwa. Je vais vous surprendre. Mais je suis touché. Sur la terre. Padouni, hein. Laissez-moi parler de ça. Tout a échappé bien dimanche. Nous allons bien finir le dimanche. Il y a maintenant trafic de toutes choses sur la terre. Vous entendez parler de trafic des organes d'hommes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vente des âmes. Des âmes. Les âmes se vantent sur la. Tous ces riches que vous voyez ici, il y en a qui sont des grands vendeurs des âmes d'hommes. Et le plus grand acheteur mondial des âmes, c'est le pape de Rome. Ça, la Bible confirme. Le jour où Le roi du Nord. Les chikou, les mufana kuno. Va larguer une bombe sur le Vatican. Atatou pas bombe au Vatican. Allez-y. Mon homme Kaisome. Où est-ce que vient le bâton pour qu'on n'arrive pas? Mon Bible. Écoutez comment les gens sont en train de pleurer dans la Bible. Quand Vatican sera en feu. Wakati Vatican est en Zalungua. Lisez. Kaisome. Les vendeurs, les commerçants, les gonaria. Tout le temps, c'est quoi de Kubi ou Jisha Wabi? Nous irons vendre ça où? Nanate tous à Tena Ibi. Nanate tous à Ibi. Qui va nous acheter les âmes d'hommes? Nanate tous à Manaf, ça y est. Nous ne racontons pas des histoires. Si à tous ces mêmes. Le diable lui a donné son trône. Chétan et Ampatia Kitia Kaez. Sa puissance. Comme il a la tête de l'image de la bête, c'est de lui que viendra l'élément central qui va unir toutes ces églises. C'est ce que la Bible appelle la marque de la bête. Et aujourd'hui, il y a un mensonge qui circule là. Que la marque de la bête, c'est le chiffre 666. Non! C'est une distraction de Satan. Il est ni Satan, ni la lingami chatubatu. La 666. Il m'a filmé les films tanzaniens qui sont en train de mentir. Et des Nigériens. 666. C'est un chiffre d'homme. Il est ni namba ya mutu. C'est un chiffre d'un nom. Ni namba ya mutu. Et ce nom là. Na ile jina. Par la révélation prophétique, c'est Vicarius Filii Dei. Ni Vicarius Filii Dei. Il a pris un autre titre là. Arrivez à Kichwangine. Dux Cleri. C'est tous clairs. Kafupi. Mais vous calculez, vous trouvez 666. Comment on fait avec ça, Moutapata 666. C'est le chiffre de cet homme-là, le chiffre de son nom. Namba ya ule mutu ya jina. Mais la marque de cette bête. Lakini chapa ya ule nyama. C'est une doctrine. Ile ni mafundisho. Avant qu'on lise ça. Mbele ya shitsome. Acceptez d'entrer dans cette union-là. Nchika kuingia mule mungano. Voilà la tentation. Jo jaribu ile. Dès que vous êtes membre du Conseil mondial des églises, vous obtenez automatiquement la marque de la mort. Juste en adhérant. Et quand vous avez la marque de la bête, ça n'est fini avec vous devant Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Parce que Dieu a sa marque. Et le diable marque les siens. Est-ce que vous êtes là, église? Le diable ne marquera jamais de son un enfant de Dieu. Et Dieu ne marquera jamais de son sang. Un enfant du diable. C'est vrai ce que je fais. Si tu es au milieu de nous, tu es un incrédule. Tu n'es pas un vrai croyant. Tu peux venir prier avec nous. Veillez avec nous. Tu ne recevras jamais le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu es incrédule. Parce que tu es incrédule. Si tu es un soi-disant croyant, tu veilleras, tu ne recevras jamais la marque. Et à la fin, tu iras recevoir la marque de la bête. C'est vrai. Le temps et les signes de l'union. Je suis au paragraphe 57. Ils ont le mouvement œcuménique. Beko na ile mouvement yabo œcuménique ya mungano makanisa. Du monde. Ya dunia mjima. Et en ce temps-là, c'était en 63, ils ont un pasteur luthérien à la tête de cela. Nimu 63 bar quoi na pasteur moi au luthérien. Là en Amérique, c'est lui qui était à l'Union de mondiale des Églises. America njaruka kukicha mungano na mkanisa. Alors frère Branham dit à son tabernacle un exemple. Ndugu Branham anapatia mfano maskani yake. Vous savez, il leur dit tel que nous sommes ici. Ambesa pake vitu kwa. Bon, prenons cet exemple comme ici. Tuwe mfano sawa iko hapa. Si nous ne sommes pas membres du conseil mondial de l'Église. Kama hatuna member mungano ya makanisa. Et qu'une catastrophe arrive aux environs. Na katastrofu mwanafika kando kando na shie. L'état vient. Donc, l'État en Akuya pour secourir les gens là-bas. Dès qu'il constate que ce tabernacle n'est pas dans le conseil mondial des églises, ils pourront l'utiliser comme entrepôt. Et si par hasard, nous sommes dans cette catastrophe, l'un de nous va secourir quelqu'un qui est en danger. Madame dit, on peut même le fusiller, ou bien l'incarcérer, pendant 10 ans dans la prison fédérale. Nyaka kumi mule prison fédérale. Parce que Sabab, nous ne sommes pas membres de ce mouvement œcuménique. Si atuna ba memba muile mungano yabo ya makanisa. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Et amuone picha nyama, chapa nyama. Écoutez maintenant le frère Franck. Mushikia sanduku Franck. Apocalypse, livre scellé de 7 sous. Ufunuo kitabu kene kutua mamuri saba. Page 97. Karatasi yake 97. Pour ce qui est de la marque de la bête. Kwa ile inangalia chapa ya nyama. Il s'agit en fait de la doctrine essentielle de la Trinité. Ni mafundisho ya Mungu butatu kabisa kabisa. C'est ça la marque de la bête. Jo ile chapa ya nyama. Vous entrez dans une église. Munaingia kanisa. On prie. Au nom du Père et Baba, du Fils na mwana, et du Saint-Esprit, fuyez cette église-là. On baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Fuyez l'église. Mukimbia mule misa. C'est ça la marque de la Jo enye chapa nyama. C'est le signe Nyalama par lequel et kupitia yayo la bête identifie ce qui lui appartient. Eko na tambulisha banye kuya bake. C'est ça la marque. Jo chapa. Comme dans la nature. Samu asili. Tous les véhicules. Bali bota isha kushindiwa. Non. Tous les véhicules. Magari yote. Mami otokayo. Magari yote. Qui appartiennent à l'homme Mercedes. Yamutu Mercedes. Vous savez les distinguer sur la route, non? Mubarabara muna haku ya chanisha. Sema ini ya Mercedes. N'est-ce pas frère? Par quoi? Dieu anime. Par une marque. Kupitia ile picha wa shaka pale. Kakini kwa mke kusaka nyota. Un petit coup. Quand vous regardez, wakati ça c'est le véhicule de Dieu. Il motuka na ya kutoka kwa. Comment vous l'avez découvert? Dieu anime mungu. Par la marque qu'il a posé sur tous ses véhicules. Kupitia ile picha anesha kuweka pa magari yake. Cette bête. Ule nyama. A une marque. Na eko na picha. Qu'elle pose. Ile sur tous ceux qui lui appartiennent. Et qu'on a weka yulu ya baake boti. Et quand ils entrent dans l'union des églises, na wakati wanaingia muungano wa makanisa, ils reçoivent automatiquement la marque. Tengo na pokea ile chapa mara moja. C'est ça la doctrine fondamentale. Je mafundisho ya msingi de cette Babylone. Ya ile Babylone. La grande prostituée. Dumba mkubwa. Et à la page 99, le frère Franck dit, ma page 99, donc, Franck a c'est, quiconque croit ou le hôte, ami, la doctrine trinitaire il m'a fondé sur Abumungu et a été baptisé n'a rebaptisé du baptême trinitaire il, baptise, il a déjà la marque de la bête et qu'on a picha à nyama. D'ici quelques jours ma chukidoku, cette bête va parler. Et là, une parole de poids qu'elle va prononcer. Et dès qu'elle parlera, la pression sur nous commence. Pour nous amener à l'échoine. Et ce ne sera pas la moindre pression. Na aita kwa kusonga kidoko, mateso kidoko hapana. Ce sera de nature à nous obliger d'aller. Nous serons seuls devant le monde entier. Seul alors. C'est une parole de poids. C'est comme ça que Franck décrit ça. Laissez-moi un peu vous lire ça. Je suis à la page 91-92. L'association des protestants dans le Conseil mondial des églises est l'image de l'église universelle de Rome. C'est-à-dire quand vous voyez l'œcuménisme, c'est l'église catholique en une image. Ils ont leur Bible d'ailleurs. Qui connaît la Bible de ce conseil? Nanya anayua Biblia ya ile shauri. Tom. Ah, que Dieu te bénisse. Mungu embariki. C'est où je pense que vous avez la Bible parce que pas aller acheter la Bible n'importe comment. Il y a une Bible où c'est écrit. Ko Biblia ile banandika pour Tom. T-O-B. Qui a déjà vu ça? T-O-B. C'est-à-dire quoi? T-O-B. Donc c'est manini il était au. Traduction. Kutafsiri ecumenique wa muungano de la Bible. Ya Biblia. C'est ça top. Joto. Traduction. Donc c'est manini. Ils se sont arrangés. Bobari kapatana pamoya. Jou ba tafsir Biblia yabo. Qui sera accepté par tout le monde. Il est batu bota kafika mkuichikia. Traduction ecumenique de la Bible. Tafsiri kwa muungano wa makanisa juu ya Biblia. Une même Bible. Biblia moya. Batakuwa na fedha moya. Duku. Les temps viennent. Wakati unakuja. Lorsqu'il est dit que wakati inasemewa. Cette image. Il est picha. Reçoit la vie. Inapokea uzima. Cela signifie ile inamaanisha qu'elle reçoit l'autorisation d'exister. Anapokea sa uwezo ya kuwako. Et le plein droit de prendre part aux conversations. Narusa yote ya kushiriki kule masungumuzo. Voyez d'abord. Muone kwanza. Aujourd'hui. Leo. C'est lui qui a la tête du royaume de l'Union européenne. Uleko kukichwa muungano wa Europa. Le pape actuel. Papa hapa sasa. C'était l'Américain. Ni ameo kwa Amerika. Des États-Unis. Et ce sont les États-Unis, nani États-Unis qui vont faire une image à leurs frères. Mambo inanguka mu mikono ya bantu bamoya. Le problème est tombé dans les mains de même personne. Aux États-Unis. Ou Amérique. Oh pardon. Aux Nations Unies. Kule kumungano ya Amerika. Mataifa. Mataifa Amerika. Koni. Les États-Unis, ont le droit de veto. Bobe kuna rusa. Avec lesquels ils peuvent briser beaucoup de décisions. Il est banes kubeba nao banes kufunja mipango kwa chana. Vous pouvez vous décider. Lui quand il dit, moi je m'oppose. Wakati États-Unis anasema mimi ni lève son droit de veto. Analamusha ile mkono yake ajue. Votre décision tombe. Sema ile mpango mlibeba inaanguka. Et ce sont les États-Unis qui sont créatrices de l'Union mondiale des églises. Jo batatunga ile muungano. Banesha kutunga muungano wa mataifa ya Mungu. Et à la tête de cette union. Na kukichwa ile muungano yao. C'est leur frère actuel. Ni ndugu yabo huyu hapa sasa. Ne voyez-vous pas maintenant que et tamuone sasa. On va donner l'autorisation d'exister. Yako sema atapatia uwezo kuwako. À l'Union mondiale des églises. Muungano wa ulimwengu mzima makanisa. Et lui permettre d'avoir part. Munusa sapate kushiriki. Aux conversations. Mapatano yote kwa sasa. Ça sera fait dans peu de jours frère. Na numashu kidoko itafanyika. Nos jours sont comptés. Mashiku yetu hivi nahesabiwa sasa kwa dunia. Kanisa. Réveillez-vous. Tulamuke. Bientôt c'est le départ. Ni hapa sasa safari. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Jina la Bwana. Il dit, anasema, on s'attendait à un moment donné là que le pape et ses évêques fassent plus ou moins entendre leur voix. Mais, Lakin, Franck dit, maintenant, le Conseil mondial des églises a une parole de poids à faire entendre. Quelle est cette parole de poids? Apocalypse chapitre 13, verset 15. Nous avons lu ça. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Quand elle va parler, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fichent tués. On va demander à toutes les églises du monde d'entrer dans les conseils de l'église. Et le groupe qui refusera. L'objectif, c'est de les tuer. Mais cette chose de tuer ceux qui refuseront, Dieu ne permettra pas que ça arrive quand nous sommes là. Non. La pression qui vient ne va pas faire des martyrs. Personne ne mourra. Il restera tué ceux qui vont rater l'enlèvement. Les vierges folles seront toutes tuées dans la grande tribulation. 3 ans et demi après notre départ. Dans les premiers 3 ans et demi, Yakwanza, Dieu va les protéger. Mais dans la grande tribulation, elles vont mourir. Mais la décision principale, la parole de poids, c'est que vous refusez d'entrer, vous êtes mort. Maintenant, comme il n'est pas encore bête, parce qu'il sera bête lorsque nous partirons. C'est-à-dire quoi? Oui, que je dise d'abord ça. Pardon, c'est mal. Pour que vous compreniez quand est-ce qu'il devient bête. Je m'élève moi quatre qui en attaque à Niam. Lorsque nous montons. Wakati si tu n'as pas. Le diable qui est en l'air. C'est à nous le commuewa. Devra nous laisser la place. À part ça, à toi tu es fâché. Nous ne saurons pas passer. Si à tout à l'heure ça coupe. Tant que Lucifer est dans les airs. Wakati ôte Lucifer est commuewa. Je vous dis vrai. Je m'aime bien Duku. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec 3 choses. Il est né ciel pour la semaine descendra. Il n'a pas 1 mètre, il n'a pas 2 mètres. Il descend avant qu'on ne le voie. Avec 3 choses. Le cri. Amulalamiko. Semblable à celui qu'il avait lancé devant la tombe de Lazare. Na ile ile la mika kambela kaburi ya Lazare. Di ba fwa bouvwa. Sema. Saudi ne ba fwa la spia. La voix que le mort peut entendre. Il y a un seul. Kuko moya. Dont la voix. Pour le Saudi ya. Peut être entendu même par les morts. Ata ba fwa ta spia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Wana Yesu Kristo. Il lance le cri de. Ata la mika ile. Nous n'allons pas entendre ça. Parce que c'est un cri propre au monde. Nous serons vivants. Si tu mourais demain, baptisé du Saint-Esprit, tu l'entendras. Les morts vont entendre cela par le cri des commandements. La deuxième chose, il regarde là où nous allons passer. Démon, ma chétane. Il dit ça, ce n'est pas mon travail. Il y a une occasion. Michael, viens créer un chemin pour Jacques. Kouya ou passouré Jacques Ndia. Kouya ou passouré Jacques Ndia. Viens créer un chemin pour Jacques. Je veux que Jacques vienne. Mina pena Jacques capable de comprendre. Le diable est là-bas. Ma chétane est coupable. Viens. C'est ma kouya. Michael descend. Michael en achouka. Alléluia. Amen. Il saisit Lucifer. Atamushika Lucifer. Comme un karatéka. So karatéka. Il lance un cri. Anatoa la et il les jette par terre. Na mutu pachini. C'est la voix d'un archange. Jo il est la miko a malaika. Mukubwa. Et quand le diable descend. Wakati Satan est en achouka. La trompette de Dieu sonne. Parapanda mukunaria. le Seigneur nous appelle. Na bwana ne twita sasa. Montez. Upande. Frère. Duku. Nous monterons. Utaanza kupanda. Nous monterons. Utaanza kupanda. En forme de pyramide. Duku na panda sa pyramide. Chacun là où il est. Kila mutu fasi la kuya. Faire une personne. Tunaenda kukutana mutu moya. Celui-là là-bas. Ula tokia huko. Celui-là là-bas. Uya tokia huko. Nous allons former une pyramide. Tunga pyramide. Et nous irons au ciel. Na tutaenda kumbingu. Quand nous montons, wakati unapanda, le diable est parti. Shetani anashuka chini na mtu. C'est en ce moment-là. Na ni mule wakati. Il va entrer dans ce monsieur. Jo atenda kuangukia mwa bwana. Et ce monsieur devient la bête. Na bwana ndio anakuwa sa nyama. C'est vrai. Kweli. Nous allons vivre ça bientôt. Tu ni mambo tutaishi hapa sasa. Nabi. Qui ont parlé de ces choses. Wanabii wanasema yaka hivi. Ils ont désiré être. Bali tamaini yaka kuya pafashi le wiko. Vivre ces choses. Kuishi bitu kubiona. Mais ils ne l'ont pas vécu. Na lakini na kuishi ile. Il leur avait été dit. Bali wambia yaka kusema. C'est pour Jacques. Ni ajua yako. C'est pour André. Ni juu André. Uli weke po. C'est pour toi. Met ton nom là-bas. Ni juu yako. Amen. Et maintenant, toi qui es concerné, oui, il mambo yako, regarde, yako, angalia, tu vis comment? Maisha yako kuje. Pourquoi tu es distrait? Jua nini ukusha kulengama? C'est pour toi que nous crions. Yako, toi, réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Nous allons bientôt partir. Ni apa sasa tukunenda. Nous ne crions pas pour l'argent. Sha tulalamike jua pesa. Nous ne crions pas pour la popularité. Nous crions parce que le Seigneur nous a envoyé. Alléluia. Amen. Il dit crie. Asema la lamika. À plein gosier. Namuri buyako yote. À plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Annonce à mon peuple. Tangaza kutaifa yangu. Ses iniquités. Ima ovu yake. Kama ukumuzambi toka. Si tu es dans les péchés, quitte. Oui, frère. Toutes les églises protestantes qui protestant pendant que je parle sont dedans. Et d'ailleurs, le Seigneur avait même averti un groupe de nos frères. Le Seigneur avait averti un groupe de nos frères sur la terre. C'était dans l'assemblée de Fofon. Le 1er janvier 1968. Il y a une prophétie qui était tombée au milieu d'eux. Je voudrais que vous partiez avec ça. Toutes les églises sont parties. Quand ça a commencé, le Seigneur nous a alertés. Je suis dans la lettre circulaire de janvier. Janvier 1973. Vous m'excuserez, j'ai... C'est sa mère. Ok. À la page 2. Prophétie que le Seigneur avait donnée dans l'assemblée de Krefeld le 1er janvier 1968 en rapport avec le retour des églises protestantes et autres chez leur mère Babylone. Écoutez cette prophétie, elle n'est pas longue. Voici, ainsi parle le Seigneur, vous, mon peuple, mes enfants, prenez garde à 7 heures. Vous, mes enfants. Est-ce que vous croyez que vous êtes des enfants de Dieu? Oui, nous le sommes. Prenez garde à 7 heures. Car je veux vous parler comme je le fis autrefois par des paraboles. Tout le monde reste calme. Le Seigneur dit, prenez garde à ce que fait ce monde. Remarquez comment une église après l'autre meurt. Regardez comment une église après une autre meurt. Toute l'église, l'une après l'autre, meurt. Et suspend une lampe morte au crochet. Mais qu'on a comme une lampe à kufa comme sumari. La lumière est éteinte. Ça rejoint ce que Mon grand frère ici a dit aujourd'hui dans la maison. Nduku yangu alisema munyumba leo. Mkubwa yangu. Ile mkubwa anaje ya ministeri. C'est mon grand frère mu miaka. Ele ngia munyumba. Inatoka dans la maison. Nyumba ya shipo moto iko sa denomination. Asema la maison il y a pas le courant, on dirait dans la denomination. Nyumba kama una moto iko kize. Dans la maison il y a pas le courant, ça on dirait dans la denomination. Dans la denomination il y a des ténèbres. Uzebu mukumagiza. Et Dieu dit, la lumière. Luriabo. Et éteinte. Il est sa kujimika, mangaza yabo. Elles se sont engagées. Balesha ujingiza. Sur le chemin de Babylone. Unjia ya Babeli. Et s'avance. Na beko nendele. Boba le beko nenda. Et s'avance. Kila kanisa kunaenda muturi yake yenye kufua na lampe ya kushimika. Ils sont sur le chemin de Babylone. Ils s'avancent au travers des ténèbres jusqu'au trône du pape. Dieu prononce le mot pape dans ça. Alléluia. Ils s'avancent jusqu'au trône du pape pour être aveugle par sa lumière, la lumière du pape aveugle. Amen. Il n'y a qu'une seule lumière qui éclaire, c'est la lumière de notre Seigneur. Ces églises sont rentrées, frères. Elles sont toutes rentrées. Alors, si nous n'entrons pas, la décision ni kufwa, mupango c'est la mort, ni kuitua, on doit nous tuer. Alors, comme Achez kutua mumwili, parce que nous n'allons plus mourir. Il ne peut pas nous tuer physiquement à toute la kufwa. On va nous faire la pression. Oui. Dio. Je termine avec une citation. Normalisa. C'est ça la tentation. Jo jaribu. Oui, oui. C'est ça la tentation. Jo jaribu. Je suis où? Je suis où? Ok, lettre circulaire à mars-avril 2007. Page 13. L'Écriture nous dit que tous les habitants de la terre adoreront le dernier dirigeant mondial et son image. C'est cela la tentation. Tous y prendront part, à l'exception de ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, à l'exception de ces gens-là. Et il ajoute, ceux qui sont demeurés fermes dans la parole, il faut demeurer ferme. La pression Kusonga vient, mais demeurez ferme. Si vous lâchez, c'est fini. Kunaisha. Nous serons dans une condition moya. Où était Meshach, Shadrach, Abednego. Mule Meshach, Shadrach, Abednego baripatikanaka. Exactement la même. Ville mumambo moya. Venez dimanche, nous allons parler de ça. Et nous allons voir la fin qui sera glorieuse. Notre Dieu, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Si vous m'aimez, a dit le Seigneur, gardez ma parole.